Chapitre 11e, la lettre d'Angleterre. Le corps de Lucien avait été ramené à la maison. On le déposa près de celui de mon père. Des magistrats, des médecins vinrent tourner et retourner les cadavres. Le surlendemain, Marc fut arrêté. Le même soir, je reçus une lettre d'Angleterre adressée à mon père. Je l'ouvris. Elle était de mon grand-oncle. Peut-être vous semblera-t-elle contenir l'explication du drame. Je la connais par cœur, car je l'ai relue plus d'une fois. Mon cher neveu, les faits que tu me rapportes m'intéressent au plus haut point. Les accidents qui se produisent à ton usine sont en effet de même nature que ceux qui ont retenu mon attention depuis quelque temps. Tu sais que j'ai fait une enquête moi-même sur les accidents de chemin de fer qui se produisent avec une fréquence inquiétante sur toute la surface civilisée du globe. As-tu seulement remarqué, pour maintenir aux trois dernières catastrophes dont ton pays a été le théâtre, que dans le tamponnement du bord de Genève a péri M. Schmieder, directeur des hauts fourneaux du centre, dans le déraillement de Lyon, M. Trupp, le célèbre métallurgiste, et dans l'accident de Châlons, presque tout le personnel d'une aciérie des Ardennes. Coïncidence étrange, elle se remarque dans toutes les catastrophes qui viennent de se produire de par le monde. Je crois que nous sommes à la veille d'événements extraordinaires, propres à bouleverser l'humanité, à l'anéantir peut-être. Une conscience encore obscure s'éveille dans le métal. Il se révolte entre ses maîtres d'une façon encore hésitante, fragmentaire, mais en commençant par ceux qui lui imposent leur volonté. Cela ne semble surprenant qu'à notre ignorance. Ne savons-nous pas que le règne animal, dont l'homme se croit le plus bel ornement, n'est venu que peu à peu à la pensée? Pourquoi le règne minéral ne suivrait-il pas la même voie? Je crois même que la guerre a précipité l'évolution du métal. Nous avons fait de lui un instrument de mort. Qui sait s'il n'a pas pris goût au sang humain, et si le massacre dont nous lui avons donné l'habitude n'est pas devenu un besoin pour lui? Mon oncle achevait en annonçant son arrivée pour la semaine prochaine. Sa lettre m'a éclairé et convaincu. Ce qu'il ne dit pas nettement, et dont j'ai acquis la certitude, c'est que les hommes ont formé à leur image l'âme obscure qui s'éveille dans le métal mal façonné par leurs mains. Les ouvriers et les grèves sont responsables des dégâts matériels. Les machines ont voulu les imiter et ne plus travailler. La guerre et la haine des Allemands qui ont construit l'usine sont responsables des accidents sanglants. La moto qui s'est cabrée sur mon frère, la charpente qui s'est écroulée sur les spectateurs, la barrière qui a voulu nous assommer, la machine qui a assassiné mon frère, le rasoir qui a tranché la gorge de mon père, ressentaient pour nous le sentiment du petit ingénieur Otto Pincus qui voulait nous abattre comme des chiens. Je sais que je suis particulièrement visé par le métal. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas monter dans le même train que moi. Vous n'avez pas voulu écouter mon conseil. Madame Alstine, sais-tu? J'ai besoin de remettre un peu d'ordre dans mes idées pour porter mon jugement impartial sur son récit. S'il est mensonger, elle est une ingénieuse romancière, une habile comédienne. Mais sur elle pèse un lourd soupçon, et toutes les criminelles mentent pour cacher leurs crimes. Elle est plus habile que les autres. Elle a les ressources de l'instruction et de la culture, voilà tout. Au fait, est-elle bien habile? Le récit est trop extraordinaire. Les juges ne la croiront pas et lui riront au nez, comme l'a fait le magistrat instructeur. Il fallait inventer plus simple, mademoiselle Alstine. Je sors dans le couloir. Je me heurte au policier qui vient de déjeuner. Il paraît satisfait de son repas et digère paisiblement en fumant sa courte pipe. Il me demande « Vous a-t-elle fait des aveux intéressants ?» Suppose-t-il que je vais lui rapporter les paroles de la jeune fille? Je n'aime pas ce rôle. Je ne suis pas un indicateur de police, moi. Je hausse les épaules avec un geste vague. Rien d'intéressant. Mais croyez-vous qu'on connaîtra jamais les véritables coupables? Il ôte sa pipe. Péremptoire. Certainement, la justice est là pour ça. En toute sincérité, croyez-vous à la culpabilité de mademoiselle Alstine? Sans aucun doute. Pourquoi? Sur quelle preuve vous basez-vous? Sur la preuve qu'il faut un coupable et un complice. Marc Brunet et mademoiselle Alstine, cela va de soi. Âme simple et sans inquiétude. Il tire de nouvelles bouffées de sa pipe. Je regarde par la portière. La voie descendante file, rapide et claire, ondule dans les courbes comme de serpents rapides. Au fait, la preuve. Il y aurait une preuve que le récit de mademoiselle Alstine n'est pas un tissu de mensonge, une preuve qu'elle est elle-même, comme toute sa famille, poursuivie par la haine implacable de la matière. Pardieu, ce serait la catastrophe dont elle m'a menacé. Sur la voie descendante, un sémaphore vient de lever brusquement son bras. Un disque rouge a tourné. Certes, le métal n'est point passif. Il vit de l'existence que nous lui avons communiquée et qui se prolonge peut-être en lui. Les serpents d'acier qui filent à mes côtés, je sais qu'ils ne sont pas immobiles. Ils se dilatent, ils s'allongent et se rétractent sans cesse. Pareil à des reptiles qui voudraient ramper. N'est-ce pas une vie embryonnaire déjà, comme une lente pulsation? Nous devons approcher. Je regarde ma montre, 13h50, plus que 20 minutes. Mademoiselle Alstine aura été mauvais prophète. Je jure que j'avais cette pensée à la seconde précise où se produisit le choc formidable et où le train bondissant hors des rails alla s'abîmer dans le ravin. Épilogue. Je me réveille dans le bureau du chef de gare de la petite station de Poitéron. La pièce est transformée en ambulance. Il y a des blessés autour de moi, assis ou étendus sur des fauteuils de velours vert. Je ne me souviens de rien de précis. J'ai dû perdre connaissance tout de suite. Si, un souvenir me revient à la mémoire, un souvenir olfactif, une odeur âcre de fumée et d'incendie qui me prenait à la gorge. Je remue mes membres l'un après l'autre. Allons, rien de cassé, j'ai la tête lourde encore. Pourtant, je regarde autour de moi. Les blessés qui demeurent sont assoupis. On a dû emmener les plus grièvement atteints. Il y a une pendule en marbre noir sur la cheminée. Sur le bureau, entre le téléphone et l'encrier, un objet brillant attire mon attention. Je ne puis en détacher ma vue, c'est un pèse-lettre. Il est en métal blanc, formé de deux demi-cercles gradués qui s'écartent selon le poids. Le plateau est rond, le pied carré en verre transparent. C'est un pèse-lettre modeste, fruit du travail d'un humble artisan. Mais d'avoir été conçu et façonné par une créature humaine, je sais maintenant qu'il en a gardé un embryon de sensibilité. Il doit posséder une lueur d'intelligence puisqu'il remplit avec exactitude sa fonction. Je suis certain qu'il éprouve des sentiments primitifs. Ce soir, il est fier. Il est bien épousté et brille de toutes ses forces. Il doit être content de lui et de nous. Il est prêt à remplir ses devoirs avec zèle. Hier, peut-être, était-il couvert de poussière. Il boudait à cause de cet abandon. Quand son maître a voulu s'en servir, les deux cercles de métal ont eu un grincement de mauvaise humeur. Si on le brutalise, il se plaindra. Si on lui fait porter un poids au-dessus de ses forces, 90 grammes, il lèvera au ciel ses deux bras gradués dans un geste tragique et désespéré. Enfin, s'il arrive un accident, s'il tombe par exemple de la table et se fausse, il ne sera plus bon à rien. Il sera un grand blessé, un incurable, si on ne peut le réparer. Son seul avenir sera le néant de la mort, en attendant de problématiques transformations ultérieures. Cette similitude entre l'existence d'un produit de notre industrie et une vie humaine mérite qu'on s'y arrête. Elle est encore plus parfaite quand il s'agit d'un moteur ou d'une locomotive. Il y a vraiment alors transfert d'énergie, donc vie primitive au sens exact du mot, l'acte essentiel de la vie étant d'emmagasiner puis de dépenser de l'énergie. Ne prouve-t-elle pas cette similitude que l'homme, en façonnant la matière, extériorise en cette matière un peu de sa vie propre, et sans doute, comme le prétendait Mademoiselle Alstine, un peu de sa sensibilité et de sa raison. Il fait véritablement don d'une âme aux objets connus et exécutés par lui. Peut-être a-t-il rempli des devoirs envers eux, des exemples à donner à ses consciences primitives, qui sont comme le reflet de la sienne. Il ne fallait pas leur donner l'idée de faire la guerre. La porte vitrée du bureau s'est ouverte. Elle donne sur le quai de la gare. Je connais ce personnage qui entre, mais je n'arrive pas à mettre un nom sur ce visage glabre. Ah, j'y suis. Il a dû laisser sa pipe dans la catastrophe. Mais je le reconnais quand même. C'est le policier qui veillait sur Mademoiselle Alstine. Il vient vers moi. Eh bien, vous en avez été quitte point de secousse. Nous avons eu de la chance, tous les deux. Une bonne nuit de repos, et il n'y paraîtra plus. J'esquisse un sourire. Le son de sa voix suffit pour me rendre lucide tout à coup. Je l'interroge. Mademoiselle Nelly Alstine. Tu es sur le coup. Il ajoute. Bon, c'est de la besogne de moins pour Daimler. Son compte était bon. Ainsi s'achève L'Invisible par Pierre de la Battue.